بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, en vérité l'homme court à sa perdition, sauf ceux qui croient en Allah, font œuvre pie et se recommandent mutuellement la recherche du vrai et de la constance.